Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analyse, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis 21h-23h pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce week-end, l'actualité, c'était la 38e et dernière journée de championnat. Les Girondins ont fait match nul à Lorient, un but partout et finissent à la 6e place du classement de Ligue 1 pour la saison 2016-2017. Il faudra donc attendre la finale Paris Saint-Germain-Angers, la finale de Coupe de France, pour savoir si Bordeaux sera en Europa League l'année prochaine ou si ça sera le SCO d'Angers. Voilà, on va souhaiter que ça soit Paris qui l'emporte, on va pas se mentir. C'est que Lyon aussi attend de savoir. Pourquoi ? Et parce que si jamais Paris gagne, Lyon est directement qualifié pour l'Europa League. Si jamais c'est Angers, Lyon a deux tours de barrage à faire. Hein. D'accord, ok. Ah ouais, donc ça peut être une sale saison pour les Lyonnais, disons. Cette année, sale saison de merde. Bref. En Europe. On va évidemment revenir et sur le match et sur la course à l'Europe dans l'émission. Alors, l'actualité s'est un petit peu chamboulée cet après-midi. Donc, en vrac, on les fera dans l'ordre et puis on verra bien le temps que ça nous prendra. C'est officiel, Jocelyn Gourvennec et son staff ont été prolongés 2 ans de plus. Ça a été officialisé à 7 sur les coups de 19h. 4 ans pour Gourvennec. 4 ans pour Gourvennec. Il a déjà fait une saison, 3 quoi. T33 disait sur Twitter, Gourvennec prolongé que s'il y avait des perspectives de mercato intéressant. Ouais, de mercato intéressant. Donc c'est qu'il a dû avoir des assurances de la part du club, des garanties de la part du club. On reviendra également sur un autre homme important du club qui va sûrement être prolongé, c'est Eric Bédoué, normalement si tout va bien. On reviendra également sur ceux qui malheureusement n'ont pas été prolongés, à savoir l'entraîneur des gardiens Franck Manteau, à savoir Nicolas Maurice Belay, à savoir Abdou Traoré et je crois que c'est tout. Oui, c'est ça, Manteau, Belay, Traoré. On va évidemment donc revenir sur le passage aux Girondins de ces trois hommes, joueurs et staff. On fera un petit bilan rapide parce que c'est quand même des gens qui sont restés longtemps hein, pour les trois. Je crois que le plus ancien c'est Abdou Traoré, 11 ans je crois, un truc comme ça. Il était déjà là en 2009 quand on est champion de France, Abdou Traoré. On parlera également, c'est le retour après un an d'absence, le retour des GA Awards, deuxième édition des GA Awards. Cette année, alors on vous cache pas qu'on a un peu plus galéré pour trouver des trucs drôles cette année que l'an dernier. L'année dernière c'était carrément cadeau, mais on a quand même réussi à sortir 7, même sans faire exprès, on a réussi. 7, voilà, 7 rubriques, 7 GA Awards qui seront décernés. On va tout vous expliquer dans la deuxième heure de l'émission. On vous expliquera les rubriques, on vous expliquera comment voter, quand voter. Vous aurez tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Si vous avez envie de vous défouler un petit peu, c'est le moment, les enfants, à vos clics. On donnera les résultats d'ici la semaine prochaine, je pense, début de semaine prochaine. Dernière émission. Oui, voilà, ouais, on laissera le temps aux gens de voter, puis on donnera... Alors, non, Beau Biscuit nous dit « T'as oublié Carasso, malheureusement ». Non, Beau Biscuit, je n'ai pas oublié Cédric Carasso. Alors, on va faire un truc très simple avec Cédric Carasso. On est 3 actuellement dans le studio, on va pas tarder à être 4. Si vous voulez nous appeler pour en parler, vous nous appelez. Franchement, ça nous gave. Ça va, on va pas se mentir, heures. Ça nous gonfle. On a fait 1 heure lundi, on a fait 45 minutes vendredi. Carasso, perso, on n'en peut plus. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de parler un petit peu d'autre chose que de Cédric Carasso. De toute façon, on n'a rien de plus à dire que vendredi, on n'a pas d'infos supplémentaires, personne ne sait rien. En fait, c'est pas que ça nous saoule, c'est-à-dire qu'en fait, faut aussi que vous imaginiez que pour vous certes... Pour toi, public. Je sais pas si ça concerne beaucoup de vos journées, mais certains d'entre nous, c'est pas nos journées. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de chercher la pêche aux infos, d'en parler, parce que ce qui fait débat chez les supporters fait débat chez nous aussi. Donc c'est un petit peu, pour pas vous cacher, le bordel chez nous aussi. Donc on en avait parlé. Et le mot est faible. Ouais, si tu peux un peu baisser, excuse-moi, le 3 parce que c'est... Ou même... Le 3, ouais. Le 3, tout le 3. Tout le monde en fait. Baisse tout le monde au niveau de la table parce que c'est très fort. C'est comme ça. Ouais, c'est mieux. Même s'il y a un vieux bruit très chelou dans mes oreilles, mais oui, sinon c'est mieux. Il y a de la musique derrière, je crois. Bah la musique, non, elle est là, c'est normal. Ah, mais c'est le téléphone, il y a quelqu'un au téléphone. Il y a quelqu'un au téléphone, oui. Ah, tu l'as monté? Non. Non, mais c'est très bizarre le son que j'entends. Oui. Ah bah, je sais, moi monte-le, je l'ai pas. Monte-le. Le téléphone. Tu l'as pas toi? Moi je l'ai pas ce bruit. Ça doit venir de ta connexion. Il y a Colou qui l'a. Essaye de rebouger un petit peu notre casque. C'est pas du tout radiophonique ce qu'on fait. Rebouger ton casque. Ouais, le son de, le volume de notre casque. Là je remonte. Et baisse un peu encore. Ouais. Bon, là, non, mais tant pis. Bon, on sait pas. On verra ce qui se passe. Essaye de changer de truc sinon. Donc en fait, on en avait parlé avant. Quand ce n'était qu'une rumeur, puisqu'on a débattu du sportif. On a redébattu du sportif, je crois, 2-3 fois après. Ensuite, il y a eu le problème qui s'est passé. On a fait 2 émissions dessus. Donc, ça ferait 7 émissions à passer sur Carasso. Avec surtout 7 émissions où, au final, on sait rien de plus. Alors, nous, on va pas vous cacher, même si on essaye de gratter des infos, nous, on veut les deux versions. Voilà, on veut tout. Pour tout vous dire, on entend tout et son contraire. Donc nous, on a un avis qu'on a déjà donné. Moi, je l'ai donné vendredi, j'ai fait un monologue. On tout le monde s'inscrit d'ailleurs dans ce que j'avais dit. Donc, vous avez quand même l'idée générale. Vous avez l'idée générale, il y a le podcast, etc. Donc, si vous voulez en parler, le téléphone, libre antenne, il n'y a pas de souci. Surtout que ça va être des émissions là, vu qu'il n'y a plus d'impératif de match, plus cool. Donc, si vous voulez en parler, bah, vous nous appelez. On sera très heureux de vous recevoir et de débattre avec vous là-dessus. Maintenant, nous, de nous-mêmes, si vous nous appelez pas pour en parler, on appellera plus. Surtout qu'il y a eu une actualité aujourd'hui entre. Enfin, il y a eu quand même grosse info, c'est la prolongation de Gorenec, même si c'est pas une surprise. Voilà. Mais quand même, on va en parler, bien évidemment. Après, voilà, c'est-à-dire que c'est 3 ans encore de plus, donc on va en parler. Maintenant, voilà, on est ouvert à vous. De toute façon, si on n'a pas le temps de tout traiter, il y a certaines choses qui seront décalées à vendredi. Il n'y a rien de très grave. Si on n'a pas le temps de traiter tous les joueurs qui partent, on finira vendredi. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, cette année, personne n'a eu dommage au stade, donc le problème est réglé. Voilà, pour mettre une petite couche. Donc voilà, donc bon, après, mais si vous voulez en parler, on ne vous empêche pas d'en parler. Rico nous dit. On l'accueille avec plaisir. Merci de le dire, Marc. Perso, j'en peux plus. Carasso, il a fait limite l'actu toutes les 30 minutes et c'était très chiant. Oui, alors pour les gens qui ne savent pas qui est Rico, c'est lui qui met toutes les brèves, qui gère le site G33. Donc autant vous dire que quand tu as une info qui sort toutes les 20 minutes, c'est vrai que c'est un petit peu galère. Avant d'accueillir Johan au téléphone, je vais quand même vous présenter. Même si vous venez de les entendre, les gens qui sont autour de moi ce soir, il y a Alex. Il est là, Alex. Toujours ah, perdu, c'est Alexis. Voilà. Ça, Alexis. Messieurs, bonsoir. Ça va, mon grand? Il est tout bronzé. Très bien. Il est tout beau. Ça va. Il est tout beau, il est bronzé. Ouais. T'as pécho un peu ce week-end? Un peu. Il a pécho le coup de soleil, oui. Avec nous également, vous le venez de l'entendre. Oh, ce bruit. Ça va, Rico? Rico. Ça va, Marc. Je lisais ce que mettait Rico en même temps sur le chat, donc... Y'a pas de souci, je ne t'en veux pas. Oui, Rico me dit, encore je mets pas tout, encore heureux, oui, parce que le pauvre, s'il devait vraiment tout mettre, il aurait plus de vie, le pauvre Emmerich. Allez, messieurs, Surtout que quand tu vois une info sortir, tu attends un petit peu de savoir si elle veut pas être non validée 5 minutes plus tard, quoi. Avant de... On attend toujours Thomas, qui devrait pas tarder à arriver, on va accueillir au téléphone Johan. Bonsoir, Johan. Bonsoir, comment ça va? Bien, Johan, et toi? Bonsoir, Johan. Ça va. Bonsoir. Alors, Johan, j'ai complètement oublié de te demander pourquoi tu voulais nous appeler. Carasso, je pense. Non, Carasso, c'est bon, il y en a marre. Ah, merci, Johan. Alors, Johan, tu voulais nous parler de quoi? Du match, de Gourvenec, de ce que tu veux. Donc, les prolongations de Gourvenec, ouais. Son staff. Allons-y. Le départ de Abdou Traoré, Maurice Bellet, etc. Ah, bah, ça tombe très bien parce que c'est exactement ce qu'on avait prévu de faire, tu vois. On est pile poil dans le. Tiens, on commence par quoi? Lorient ou Gourvenec? Comme vous voulez. Marc, Alexis. L'actu chaude, c'est plutôt Gourvenec. Allez, Gourvenec. 2 ans de plus, donc, pour Jocelyn Gourvenec, ainsi que Eric Bédoué, Eric Blaïc, Kevin Planté. Donc, ils ont un contrat qui vont jusqu'à 2020. Oui. Donc, en gros, 4 ans, donc une saison déjà de fête. En théorie, si tout se passe bien, ils sont là pour les 3 prochaines saisons. Johan, bon, je suppose que, 1, c'est pas une surprise, et 2, tu dois être... comme tout le monde, je pense, plutôt satisfait. Oui, parce que bon, au début de la saison, on était tous un petit peu sceptiques ou quoi, parce qu'on savait pas ce qu'il allait faire. Au fil de la saison, il a prouvé qu'il avait des bonnes qualités d'entraîneur. Il a fait marcher son groupe et c'est dans la continuité, c'est logique, quoi. Donc voilà, quoi. Mais je pense que s'il a prolongé, c'est qu'il était sûr d'avoir des garanties derrière. Parce que je crois qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il prolongerait s'il y avait des garanties sportives et de l'actionnaire, s'il allait mettre de l'argent. C'est ce qui a été dit, en effet, sur Internet. Qu'il prolongeait à condition qu'il y ait des garanties sportives, ouais. Donc bon, ça veut dire qu'il y aura peut-être des recrues quoi cet été, ça c'est sûr. Et puis normalement ça devrait continuer l'été prochain, enfin les prochaines années quoi. Ah. Écoute, c'est tout ce qu'on espère en tout cas. Après c'est vrai que on va pas se le cacher, c'était un pari. Est-ce que le pari était osé de la part de Bordeaux? Je pense qu'on était entre deux. Alors juste deux secondes, je vais te retirer un petit peu le micro parce que je t'entends plus respirer dedans que je n'entends. Voilà. Ouais. Il faut savoir qu'on a des micros qui sont un peu bizarres pour moi. Oui. Donc c'était quand même un pari de faire confiance à Gourvennec. Non pas que l'homme n'était pas bon et qu'on pouvait rien imaginer, mais il venait de Guingamp et surtout il venait dans un contexte où Sagnol s'était planté et où il fallait faire un petit peu le ménage. Il récupère une équipe de polytraumatisés quand même. Voilà, il s'inscrit dans un moment où le club en général veut faire le ménage à tous les niveaux et même dans l'administration du club où on veut que certaines choses marchent mieux, comme par exemple le fait que les matchs amicaux des Girondins ne soient pas retransmis alors qu'il n'y a aucun droit dessus. Enfin, toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui... C'est quoi cette histoire, Marc? C'est quoi cette histoire? Mais tu n'en souviens pas que les matchs amicaux devraient être retransmis par le club? Et qui a dit ça? Enfin, je comprends pas en fait. Oui, non, d'habitude on pleurait parce qu'ils n'étaient pas retransmis. Voilà, donc ça s'inscrit dans un ménage global du club et qui n'était pas que purement sportif, qui touchait à tout. D'accord. Donc il s'inscrit dans ce renouvellement-là et c'était un petit peu le pari de la dernière chance pour Bordeaux après 7 ans de catastrophe. Ça a mis du temps à se mettre en place. Moi personnellement, j'avais mis une deadline à janvier tellement j'en pouvais plus. En même temps, c'est normal aussi, tu fais pas une équipe comme ça. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'avais aussi laissé une deadline jusqu'à janvier. Mais après le mercato d'hiver, si on n'arrivait vraiment à rien faire, moi j'étais déjà parti pour en fin de saison, stop. Donc je pense que Gourvennec a relevé le pari. Je pense que surtout le travail de Gourvennec, en fait, ce qu'il faut juger, c'est une globalité et surtout une deuxième partie de saison, dans le sens où on finit mal la saison, puisqu'on finit avec 4 matchs nuls en ayant mené 4 fois au score. Mais au final, on peut aussi se dire que les joueurs étaient arrivés à un état de fatigue psychologique et physique après une saison émotionnellement compliquée, des saisons émotionnellement compliquées. Donc c'est vrai que si on essaye d'analyser et d'être un bon, le travail de Gourvennec cette année, il est quand même assez ouf. Après, moi, j'attends Gourvennec la saison prochaine parce que je vais reprendre un truc, c'est que Gillot, première saison, 5e. Sagnol, première saison, 5e ou 6e, je ne me rappelle plus. 6e. Gourvennec, 6e. Oui. Voilà. Là, je pense que... Ah, attention, les équipes, il n'y a pas le même effectif, il n'y a pas le même projet. Oui, mais les trois entraîneurs, la première saison, tu finis européen. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est toujours donc, plus compliqué de confirmer que de... Pas encore européen, les filles. Oui, enfin... On n'est pas européen. Ça, c'est vrai qu'on a du mal à s'y faire. Ouais. D'accord, on n'est pas européen si tu veux, mais enfin, on finit 5e ou 6e. C'est dans l'idée. Donc voilà, moi, je pense que Gourvennec, moi, j'ai toujours considéré que c'est un bon entraîneur parce qu'il vient d'en bas. Il sait ce que c'est de mettre les doigts dans la merde. Et à Guingamp, il a su élever le niveau de l'équipe. Et il aura fait vivre un truc en Coupe d'Europe extraordinaire. Donc voilà, moi j'attends la deuxième saison. Après, tous les entraîneurs veulent des garanties. Apparemment, Sagnol avait la garantie il y a 2 ans de garder Mariano. Et Mariano, deux mois après, il était plus là. Donc j'attends de voir ce qui va se passer cet été. Et on pourra parler après. Sagnol, il a eu la garantie de faire ce qu'il voulait. Et sur ce point-là, on peut pas dire que c'était pas le cas. Oui, enfin après, pour Mariano, il y avait quand même de l'argent qui était en jeu. Et je pense que le club était plus vendeur que de le garder, quoi, parce qu'il avait quoi? Il avait 28 ou 29 ans. Ils avaient reçu, je crois, 3,5 millions. Donc ils ont dit, on le laisse partir. Et puis, ils avaient pris Gaïc derrière, il me semble. Après, c'est pour l'aspect d'être compétitif. Moi, j'estime que sans Mariano, tu l'étais moins. T'avais des doutes, toi, Johan, sur quand on a annoncé Gourvennec, de dire, bon, il a fait, c'est vrai qu'il avait fait du très bon travail à Guingamp, mais il passe là quand même, lui aussi, à titre personnel, il passe quand même une étape. Hein, il passe d'un club, d'un bon petit club de Ligue 1 à un des cadors de Ligue 1, sans vouloir être trop prétentieux. Quand j'ai entendu le nom de Gourvennec, j'ai fait, pourquoi pas? Je suis pas non plus enthousiaste, j'ai pas sauté au plafond, mais j'étais pas non plus en train de dire on va jouer le maintien. Beaucoup de gens ont dit ça. On verra sur le long terme, on verra comment ça se passe au fil du temps, qu'est-ce qu'il veut mettre en place, les joueurs qu'il aura, etc. Et j'ai quand même envie de lui dire, il avait quand même pas non plus que des pieds carrés comme Sagnol a pu avoir avec voilà. Sagnol, Coco, etc. Et il avait pas 11 blessés par match comme a eu Sagnol l'année dernière. Sauf, aussi. Sauf que Sagnol, il les a voulu les garder, les Sané et compagnie. Parce que rappelez-vous que Sané, c'est son capitaine. Voilà. Ouais, mais voilà. Après, il faut, comme dit Johan, il faut aussi. Comment dire, il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que tu mets Gourvennec l'année dernière avec 10 blessés par match, je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup mieux que ce qu'a pu faire Sagnol, à savoir on a fini non, combien non, ça tient, c'est pas dans le sens ça, que c'est, ce que je dis c'est que Gourvennec voilà. a fait ses choix en début de saison, il a fait des choix alors des choix qui ont aussi été impulsés par la direction sportive du club, c'était dehors les Yambéré, etc., mais il a fait des choix forts et au mercato d'hiver il fait encore un choix. Je vous rappelle que les derniers choix de Willy Sagnol, c'est Arambari, pour l'instant qui ne joue pas. C'est Contento, qui ne joue pas. C'est Tellin, qu'on n'a pas gardé. Non, mais. Contento, il est, oh, qu'est-ce que tu racontes? Oh, Contento, mais Contento, il... vous lui avez craché dessus pendant 2 ans et demi. Ah, jamais. Moi personnellement, moi. Jamais. Mais... Non, mais les supporters. Oui, en dans général, l'ensemble, je suis d'accord. Tout le monde a... Et puis, excusez-moi, même si on ne lui a pas craché dessus, il n'était pas bon. Non, d'accord. Voilà. Non, c'est vrai que non, franchement, je suis déçu de son niveau. C'est donc, vrai que les, Bayern, les etc., choix etc., dans le recrutement de Willy Sagnol sont quand même bien différents des Et Bernard choix. Et Bernardoni, on en parle. Voilà, mais en plus, pour mettre Prior dehors. D'ailleurs, je rappellerai à ceux qui nous disent que Prior est soutenu par Amé, que Prior a été soutenu par tout le monde au club, hein, a même compris par. On a dit, on n'en parle pas. Oui, non, non, mais dans le sens où c'était bien une époque où il n'y avait aucune direction sportive, parce que si Prior s'en va pas, c'est parce que notre. Comment il s'appelle l'entraîneur de la CFA ? Batiston. Parce que Batiston l'empêche de partir et le garde. Donc, il y a eu plein de choix qui ont été faits, mais à un moment où. Sagnol faisait ses choix. Les choix de Gourvennec, c'est d'aller chercher Sankaré. Et puis, il ne faut pas oublier un truc après, aussi. Y a autre chose. C'est que l'année dernière, Bordeaux, enfin, il y a 2 ans plutôt, Bordeaux avait retenté le pari qui avait plus que. Alors là, pour le coup, c'était plus qu'une réussite avec Laurent Blanc de prendre un ancien joueur nouvellement entraîneur, mais qui n'a jamais coaché. Enfin, même si, voilà, Sagnol avait coaché les espoirs français, mais dans un travail quotidien. Là, Gourvennec, le mec sort pas de n'importe où. Il a 6 ans de coaching à Guingamp. Bon, faire tourner un groupe au quotidien, il sait ce que c'est quand même. C'est pas, voilà, c'est pas un novice. Le travail de Sagnol sur la première saison n'était pas catastrophique. On avait quand même un petit quelque chose. C'est juste la deuxième saison où il s'est craché avec les joueurs qui m'ont laissé tomber. C'est ça. C'est là où je te dis que c'est ça. S'il y a la Coupe d'Europe, n'oubliez pas une chose. J'ai bien dit si, Marc. On démarre. Fin juillet. Oui, c'est pas grave. Donc la saison va être longue. On reprendra les émissions plus tôt. Non, mais sans parler de nous. La saison, elle a commencé galère. Je crois que dès le deuxième match de Coupe d'Europe, on avait déjà 6 blessés avec Sagnol. Après, il ne faut pas se cacher. Non, mais il ne faut pas se cacher. Les 2 premiers matchs que tu joues en juillet, c'est 2 matchs amicaux. Hein. Oui, enfin, tu les prends contre l'Arnaca, oui. Bah, tu les prends en compte comme des matchs amicaux. Enfin merde, t'es censé. Si nous on a du mal à passer dessus, ça va. Il est numéro 2. Non, il est numéro 3. Non, il est numéro 2, excuse-moi. On va y arriver. Il y a des étiquettes avec des numéros, on voit pas dessus. Il est numéro 2. Donc non, après il faudra prendre ça en compte forcément, mais ce sera quand même des matchs amicaux. À nous d'avoir un effectif aussi complet. Qui doit jouer sur 2 tableaux en espérant qu'on se tape pas Paris, Monaco, Marseille et Lyon sur le mois d'août. Et pourquoi pas ? Comme ça au moins c'est fait. Ouais, mais non, c'est que si tu peux te taper, je sais pas moi. Amiens et Strasbourg. Mais non, parce qu'Amiens ils sont 5e, 3e, c'est ça ? J'aimerais bien que. Amiens ils sont 2e. Non, ils sont 2e. Bon, Amiens, Strasbourg et Lorient, par exemple, parce que j'ai bien envie que Lorient se maintienne. Ben voilà, ce sera plus sympa que si tu dois jouer des gros à cette période d'année. Après, c'est le meilleur moment pour jouer les gros aussi, donc bon. Rappelle-toi de Bordeaux-Reims. Il vient d'arriver dans ce studio. C'est Thomas, ça va Thomas ? Bonsoir, ouais, ça va très bien. Et des bouchons sur la rocade ou quoi ? Non, du tout, là c'est entièrement ma faute. Je vais m'excuser auprès de mes collègues d'abord et auprès des auditeurs. T'inquiète. Bon. Non mais c'est pas grave, tu paieras l'apéro, c'est tout. Hein. Voilà. Tu sais, on n'est pas compliqué. Il n'y a pas de problème. Tiens, alors tu viens d'arriver. Johan nous a appelé pour faire un peu le point sur la prolongation de Gourvennec, les départs de Belé, de Traoré, de Manteau également. Sur Gourvennec. T'es plutôt content ou. Sur Gourvennec. Ouais, s'il y en a un, franchement, qui m'appelle pour me dire ça me fait chier. franchement. Bah écoute, c'est encourageant. J'espère qu'on va continuer sur cette dynamique. Ça a l'air d'être un très bon coach. Et puis voilà, pourquoi pas. Tu t'attendais à ce que Bon, le début de saison, comme disait Marc, était quand même un petit peu pénible. Oui. Mais en soi, je trouve ça logique. Je trouve ça logique dans le fait que, voilà, il arrive dans un club qu'il ne connaît pas, voilà, avec une galère. Faut remettre en ordre plein de choses. Avec beaucoup de départs, voilà. Beaucoup de prêts. Beaucoup de prêts, beaucoup de départs. On sait comment s'est terminée la saison d'avant. Donc non, moi ça m'étonne pas et je suis très content comment il a su redresser l'équipe et donner aux supporters envie de retourner un peu au stade. Donc t'es plutôt confiant pour les trois prochaines saisons si jamais il va au bout de... Oui et non, parce que le défaut des Girondins, c'est que à chaque fois on veut faire l'Europe, mais malheureusement on n'arrive pas à suivre. Donc si le recrutement suit, je serai assez confiant. Johan, est-ce que la force de Jocelyn Gourvennec aussi cette saison, ça a pas été de savoir imposer ses choix et les imposer d'entrée, c'est-à-dire que il voit que Ménez, par son état de forme, est pas au top, il s'acharne pas à le mettre titu à chaque fois, même si Ménez a quand même joué 26 matchs, mais voilà, il s'est pas acharné à le mettre, voilà, il a toujours dit Gourvennec, je mets ceux qui sont en mais il a pas fait enfin de statut tout simplement. Au début de la saison, Ounas, il l'a dégagé aussi. Il a dit je mets, il a mis Toulalan, il a mis Plasil, il a mis Ménez, il a mis des cadres, on va dire, pour essayer à peu près de se faire une idée sur son effectif en championnat. Mm-hmm. Il s'est vite rendu compte que ça commençait un petit peu à partir n'importe où, il n'arrivait pas à trouver son système ou quoi, donc il a changé de système. Il s'est appuyé sur des cadres, bon bah il y a Carasso évidemment, après il s'est appuyé sur Toulalan, etc. Ménez était blessé, ou alors pas là, ou alors pas bon ou quoi, enfin, sa saison était compliquée, donc il l'a vite mis sur le banc. Il a donné sa chance à des jeunes qui l'ont saisi. Il a redonné sa chance à Ounas vers la fin parce qu'il a vu qu'il commençait à avoir un peu du plomb dans la tête, donc il a pu repartir. Et une valeur marchande. C'est vrai qu'il a fait encore un bon N'oubliez match. N'oubliez pas le mercato cet été. Non, mais c'est vrai qu'il a fait un bon match encore à Lorient. Voilà, quoi. Enfin, il a su relancer les joueurs qui n'étaient pas très bien. Il a su remettre des jeunes quand il fallait. Il a su bien gérer son effectif, même si au début de la saison c'était un peu compliqué. Il a commencé à trouver son rythme de croisière, quoi. Enfin, après, il faudra voir l'an prochain avec les recrues, qui c'est qui met titulaire, qui c'est qui retire, etc. Il faut que ça continue, il faut que la chimie continue. Et puis apparemment, de ce qu'on a pu entendre par-ci, par-là, de ce qui ressort dans certaines interviews, c'est apparemment un garçon qui fait l'unanimité auprès de ses joueurs, ou la quasi-unanimité, on va dire, ce qui n'était pas trop le cas l'année dernière, quoi. Non, avec Sagnol, non, c'est enfin, après la première saison, personne n'a râlé auprès de Sagnol. Hein. Oui, c'est on en parlera dans oui, six mais mois. Rassure-toi, si on se plante l'année prochaine, Gourvennec, tout le monde lui tombera dessus. Mais ça, malheureusement, c'est quand ça va, tu sais comment c'est l'entraîneur. Hein, quand tout va bien, c'est grâce aux joueurs. Quand tout va... Bah oui. Ça a été un mec qui a été apprécié dans le club, etc., qui s'est bien mis dans le moule, sans l'être trop comme Francis Gillot en déprime. Lui, il était plus content, on va dire, parce que bon, des fois, Francis Gillot, du moment, je me demandais si t'es déprimé ou comment ça. Ah, Gillot, c'est un style, ouais. C'était un style. Il était comme ça. Voilà. C'est vrai que, ouais, il était un peu. Disons que dans la communication avec ton groupe, le gars te transmet pas de la joie de vivre à outrance, quoi, tu vois. Quand les journalistes dire le mot, la morosité bordelaise, etc. Bah, Gourvennec, il a essayé de relancer un peu l'étincelle, etc. Ça a été plutôt bien. Après, il faut qu'il confirme la saison prochaine avec, évidemment, aller en Coupe d'Europe dans les phases de poule, faire un parcours si possible jusqu'en 8e et puis faire quelque chose en championnat pour y retourner et être régulier. Quoi. Et puis surtout... Retrouver le standing de Bordeaux. Quoi. Et puis surtout, Gourvennec a su imposer aussi ses choix à la direction en allant chercher Sankaré, notamment c'est le seul, hein. À l'intersaison. Oui, mais quel choix, enfin, je veux dire, il a fait qu'un choix. Si c'est le seul qu'il a fait, Gourvennec, quel choix? Parce que Sankaré, clairement... C'est ta recrue de deuxième partie de saison, c'est ton joueur, quoi. Le mec a encore marqué ce week-end. C'est ton. Je sais plus combien on l'a payé par contre, Sankaré. Je crois que c'était pas très cher. Que dalle, 3 pauvres millions à lui. Parce qu'il n'y arrivait pas. Voilà, on va dire le pari, il n'était pas non plus. Enfin, s'il était un petit peu osé, parce que je sais pas si la direction avait vraiment beaucoup d'argent pour le mercato d'hiver ou quoi, mais bon. Voilà, quoi, mais en général, à Bordeaux, les mercato d'hiver, ça se passe plutôt bien. Quoi. Oui, puis en plus, c'est un joueur qu'il avait eu 4 ans avec lui à Guingamp. Donc bon, le mec, il connaît quand même. Il va pas faire venir un footeur de merde ou un tocard. Oui. Sur les choix de Gourvennec, Johan disait tout à l'heure, Thomas, il a su aussi changer de système quand ça allait pas. Passer du 4-4-2 au 4-3-3, du 4-3-3 au 4-4-2. On voit qu'il est pas il y a des entraîneurs qui sont dans un stéréotype, dans un schéma, et puis qui meurent avec leurs idées, qui changent pas. Lui, il sait. Vous oubliez autre chose aussi, mais vas-y Thomas. Okay. En fait, ce qui a été important, je pense, c'est que Gourvennec, c'est surtout un entraîneur qui a été à l'écoute de ses joueurs. Voilà, ils ont parlé au mois de février, il y a eu une remise en question. sur qui doit se placer où, qui doit jouer où. Et je pense que le relationnel est très important dans une équipe. Il a quand même réussi à expliquer à Yaro Plasil qu'il serait plus titulaire, sans qu'on entende Plasil gueuler. Alors même si ça peut-être ça le fait chier, mais en tout cas on l'entend pas. Il a quand même expliqué. Pas ça, malheureusement. Il a expliqué à Jérémy Ménez que Jérémy Ménez, malheureusement, du fait qu'il ait eu une préparation tronquée complètement cet été avec ses blessures, plus forcément d'autres blessures qui sont arrivées après, bah, il a su expliquer aussi à Ménez qu'il n'était pas forcément titulaire. Et jusqu'à preuve du contraire, Ménez ne pose aucun problème à qui que ce soit au club. Il l'accepte non, et... Non, voilà, c'est pas le mec qui fout sa merde, on peut dire ce qu'on veut sur ce garçon. Enfin, en attendant, il fout pas la merde. Pourtant, on le sait qu'il a eu des problèmes et avec moi, ses anciens et clubs. Et moi, j'espère vraiment qu'on le gardera l'année prochaine pour... avec bah, même moi, hein, moi, je suis... Moi, je veux le voir avec une vraie prépa physique cet été. Quand t'entends le discours de Martin, encore aujourd'hui, sur le fait qu'il espère que... ça sera peut-être le futur Balotelli de Bordeaux. Mais moi, ou le Ben Arfa de Nice. J'espère voilà, vraiment qu'on va lui faire une vraie prépa physique, le remettre bien en forme, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il arrive à Bordeaux, il fait une saison sans jouer avec le Milan, il se fait arracher le bout de l'oreille, enfin, je veux dire, c'est pas une prépa, ça, c'est rien. Oui. Voilà. Donc forcément, le mec, c'est compliqué, derrière, il se reblesse, j'espère vraiment qu'on va le garder. Écoute, il a une dernière chance. Voilà, là, au moins, il va pouvoir vraiment partir de zéro, faire sa préparation avec les Girondins. Voilà, ils vont reprendre. Ils reprennent d'ailleurs quand les Girondins, ils avaient le 26 juin, je crois, la reprise. Ouais, et il y aura le 29, ils partent en stage. Et le 29, ils partent à. Mince, j'ai mangé le nom. Là où ils étaient allés l'an dernier. À Ré, je sais pas quoi, là. L'île de Ré. L'île de Ré. L'île de Ré, voilà. Donc ceux qui sont dans le coin. Moi, je pense que Ménez, je vais pas dire non plus, je vais pas me mouiller en disant il va cartonner l'année prochaine, mais je pense que s'il fait une vraie préparation. C'est un mec avec qui on peut avoir confiance. Après, on pas non plus. Rendez-vous compte sur le début de saison, Ménez sans prépa, on l'a vu sur quelques matchs. Alors je dis pas que c'est la folie partout, évidemment, il a eu des déchets, mais on l'a vu sur quelques matchs. Accélérations. À Lyon, contre Nantes, contre Saint-Étienne. Techniquement, il n'y a pas un mec au-dessus de lui dans l'effectif. On peut m'expliquer comment on voit, il n'y a pas un mec au-dessus de lui. Après, c'est sûr que le physique, il faut que ça suive. Voilà, Moi je préviens les supporters bordelais avant qu'ils l'insultent ou quoi. C'est pas le genre de joueur à faire un repli défensif. Ça, faut... Oui, mais alors, moi je suis d'accord avec toi, Yoann. Il va falloir qu'il le fasse. Le nombre de gens. Comme ça, mais moi je suis d'accord avec toi, Yoann, parce que le joueur, on sait très bien comment il est. Voilà. Il a été international. Oui, oui. Voilà. Les gens, le nombre de gens qui disent ouais, Jérémy Ménez sur un terrain, il marche, il baisse ses bras. Le coup du repli défensif, il le fait quand même de temps en temps, mais c'est vrai qu'il le fait pas. Il le fait plus. Mais oui, mais ces gens-là, j'ai envie de leur dire. Les gens, réveillez-vous. Tu sais pourquoi Jérémy Ménez, ça fait 15 ans qu'il joue au football. On le découvre pas, Jérémy Ménez. Donc, si Bordeaux le prend, il faut l'accepter avec ses qualités et avec aussi ses défauts. Mais t'as donné la réponse dans ta question de tout à l'heure. On lui reproche pourquoi ? Parce qu'il a rien fait cette saison, malheureusement. Oui, voilà. Si l'année prochaine, Ménez, il a le même comportement, mais qu'il met 10 buts, 10 passes, personne ne dira rien. Voilà. Après, c'est dégueulasse de dire qu'il a pas fait les replis. Non, il le fait. Parce qu'il est fait. Mais il a cette attitude un peu nonchalante. Il est pas à sa manière, quoi. Non, mais il l'est fait, c'est pas vrai, il se replace, etc. Après, c'est pas suffisant. Pas tout le temps, Marc. Mais c'est pas suffisant, etc. Mais on peut pas dire qu'il défend pas. Moi, j'ai des matchs qui me reviennent en tête. Moi, je veux dire, toi, c'est pas comme certains jeunes à qui tu peux leur dire, bon, bah, vous revenez défendre, etc. Lui, il va dire, oui, d'accord, mais je sais pas le faire, quoi. Enfin, c'est pas dans ma nature de le faire. Donc, comme un Ben Arfa, etc., c'est la génération qui veut ça, quoi. C'est pas que c'est dans sa nature, je pense que c'est ce qui dégage. Sur le terrain, c'est un joueur assez nonchalant, donc les gens ont l'image que. Le mec, il en a rien à foutre, alors que pas du tout. Il est nonchalant. Oui, et que dans le groupe, apparemment, c'est un mec très ouvert. Apparemment, il conseille beaucoup de jeunes. Enfin, il joue son rôle de trentenaire un peu. Un peu expérimenté. Et devant, on a que des mecs qui ont 20 ans, les enfants. Il y en a pas un qui a plus de 25 ans à part lui. Donc, et c'est pas en récupérant Crivelli et Tellin que ça va. Vraiment insister là-dessus et rester à Bordeaux quoi, pour au moins se relancer et peut-être l'année après partir. Parce que Fred a un contrat jusqu'en 2018. Il avait 3 ou 4 ans, je crois. Il reste un an et demi de contrat. Qui Ménez. Non, il avait il a signé 4 ans. Il a signé 4 ans. Ah, oui. Il a signé 3 ou 4 ans. Ah oui, sans problème. Je vais comprendre. Je vais vérifier, mais. Ah oui. Bah, en même temps, ça prouve aussi qu'il a peut-être envie de s'inscrire dans la durée. Quelque chose à rajouter sur Gourvennec avant qu'on passe à la suite ou pas ? Johan ou quelqu'un Non. Je lui souhaite bon courage pour la suite de sa saison et puis voilà. Quoi. Qu'il continue l'année prochaine, etc. Quoi. Mais non, il n'y a rien. Mine de rien, ça va arriver. Il y a à peine moins d'un mois de vacances et hop, direct, on repart direct. Et moi, j'ai peur, c'est qu'on juge trop vite si on ne se qualifie pas en Coupe d'Europe. si au mois de juillet on se fait éliminer par une équipe en bois de, d'Azerbaïdjan ou je ne sais quoi, ça sera une erreur, ça fera partie des mauvaises choses. Pourquoi? De quoi? J'ai pas compris. Si on s'est éliminé par une équipe d'Azerbaïdjan au mois de juillet, ça peut arriver. Oui, non, mais voilà. Mais ça sera une erreur, enfin, faudra le dire. Ça sera malheureusement, ça peut arriver. Regardez Nice cette année, ils se sont fait dégager, si je dis pas de bêtises. Surtout. Ils sont en poule. Lille par Karabag, ou je sais pas quoi. Enfin, Lille, ils font une saison pourrie quand même. Bah, il y avait ça, Krasnodar, et il y avait je sais plus quelle équipe dans le. Non, mais Lille, ils passent même pas le troisième tour préliminaire. Krasnodar qui s'est ressorti avec le PSG, qui s'est retrouvé avec le PSG. Ah, tiens, bah oui, bah Lille, tiens. Ouais, voilà, la Coupe d'Europe, pour moi, honnêtement, la Coupe d'Europe, c'est pas du tout les gens ils vont dire ouais, mais Bordeaux il la joue pas. Dans comme, ces cas-là, on va pas la jouer. Voilà. Mais si, mais comme disait Johan, l'objectif en Coupe d'Europe, c'est t'essayer de sortir de poule, tu fais 16ème. Allez, si tu fais un 8ème déjà, ça sera bien, un on sera content. Très bien, quoi. Voilà, tu tombes face à un gros club, genre Porto ou je sais pas qui, et puis tu t'es content. À domicile, voilà. Tu fais 42 000 personnes. Vous voulez la. Voilà. Est-ce que c'est réellement l'objectif en Coupe d'Europe? Que devrait se. C'est de se dire. Il y a des choix à prendre quand même. C'est de te passer les poules avec une équipe mixte et de la jouer après. Ça devrait être ça. Eh oui, mais ton équipe mixte, il faut qu'elle ait de la gueule quand même. Non, dans le sens où ben, mixte, c'est-à-dire quand même des pros. C'est-à-dire qu'en gros, ta première partie de saison, il ne faut pas que tu te fasses décrocher au classement parce que c'est quand même ce qui te fait manger. Donc il faut que ta première partie de saison, tu arrives à passer les poules en donnant la priorité en championnat. Normalement, ça doit être possible parce que les équipes que tu rencontres ne sont pas meilleures que toi. Donc, à toi d'avoir un groupe de 20 joueurs assez homogène. Et je pense que Bordeaux l'avait cette saison, du moins, en fin de saison, pour le faire. Il manque peut-être un défenseur central. Après, une fois que tu n'es pas sorti des poules, tu dois y aller. Tu dois y aller, mettre ton équipe type et favoriser ça au vu du championnat. Par contre, pour faire ça, il ne faut pas se faire décrocher au début du championnat. Il ne faut pas rater sur le mois de novembre et d'octobre. Donc, il faut avoir un effectif quand même compétitif. Mais on ne te demande pas d'avoir un effectif type Ligue des Champions. Tu dois pouvoir battre l'Azerbaïdjan en mettant la compo Menez, Roland, Ounas. Voilà. C'est mon avis. Est-ce qu'il faudrait aussi, peut-être pour la saison prochaine, avant de passer à Manteau et puis aux joueurs prolongés, non prolongés? Et voilà, ça s'est fait aussi. Mais est-ce qu'il faudrait pas aussi pour l'année prochaine trouver une certaine régularité? Parce que moi, quand ça me tue, moi, quand j'entends les mecs qui disent « Ah, oh, mais regardez, eux, ils ont pas de Coupe d'Europe. » Non. Paris, ils font 90 points en championnat. Ils ont fait un quart de finale de Ligue des Champions. Monaco, je vous en parle même pas. Et certes, il y a que Nice. Lyon fait une demi-finale d'Europa League et ils sont quatrième. Monaco, je vois pas en pourquoi. Plus, ils ont pas un effectif pléthorique. Voilà, sachant que Cario, Boschilia, les mecs se pètent. Enfin, on les a pas vus depuis pendant 4 mois. Certes, Mbappé est sorti du chapeau de nulle part. Le mec, on l'a pas vu arriver, mais bon, ça arrive dans une saison. Mais il faudrait arriver l'année prochaine à éviter d'avoir où tu fais un mois de septembre qui est septembre-octobre qui est pas dégueu. T'as un espèce de trou d'air derrière novembre-décembre où t'es catastrophique. Tu perds 3 matchs à domicile, t'es nul, tu prends pas de points. Enfin, c'est une catastrophe. Tu refais ensuite janvier, février, mars jusqu'à mi-avril où t'es plein badin. Et tu te pètes un peu la tronche depuis le match à Nice où tu fais 5 matchs nuls, une défaite. Enfin, voilà, le truc, c'est tu que finis... dans l'éventualité où on est en Coupe d'Europe, les matchs éliminatoires redémarrent en février. Non, mais après. Ce que je dis, donc moi, ça c'est te laisse être... de la marge après. Ce que je dis, moi, c'est être plus régulier dès le départ pour pas avoir à faire ce qu'on a fait cette année, c'est-à-dire piocher comme des fous pendant 3 mois et à la fin caler parce que t'as trop donné sur 3 mois que t'es cramé. Déjà, et que, voilà. Tu pourras pas faire ce que tu fais, parce que comme t'as dit, à partir de janvier, t'avais plus aucun match, t'avais que le championnat. Fait un petit parcours en coupe quand même. Oui, enfin, t'avais qu'une demi-finale après, à faire en Coupe de France, en Coupe de Ligue. Donc voilà, ça dépendra du mercato et de comment tu vas te comporter en Coupe d'Europe ta saison. C'est clair. Messieurs, à moins que... Non, personne. Rien de truc à rajouter, on passe à la suite. Alors, faut vraiment parler de Lorient. Là, on en dira un petit mot soit avant la fin de la première heure, soit en début de deuxième heure. De toute façon, on a le temps. Hein. On est tranquille. Il est 21h35, on est bien. On a le temps d'en parler. Juste un petit truc, quand même, je vais quand même vous donner la réaction de Nicolas de Taverneau à l'annonce de la prolongation de Jocelyn Gourvennec et son staff. Il dit « Le travail engagé cette saison aux Girondins va pouvoir se poursuivre dans la durée et nous nous en réjouissons. » Très simple, très il sobre. Il n'a pas parlé de Carasso. Non, il a mis Ad Girondin, voilà, le propriétaire, donc, a l'air content. Prolongation en vue, donc, également pour Eric Bédoué, mais ça, c'est inclus dans le... Non, c'est pas inclus dans le staff. Non, mais c'est... Mais bon, ça vient de... allez, en théorie. Il y a un an, je crois, j'avais entendu une rumeur comme quoi il a arrêté sa carrière en 2018. Eh ben, moi, je suis aussi étonné parce qu'il me semblait bien avoir entendu ça. Il veut faire la Coupe du Monde, n'oubliez pas mais qu'il y a voilà. La Coupe du Monde. Mais je pense qu'il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Je me suis dit, c'est bizarre, quoi, parce qu'il prolonge de 2 ans, ça veut dire qu'il reste à Bordeaux jusqu'à là ou il part avant, quoi. Qu'il va faire 2 ans, il va faire la Coupe du Monde et puis il a 63 ans, Eric Bédoué, donc il est plus près de la fin que du début. Il fera la Coupe du Monde et voilà. Je pense qu'il va faire la Coupe du Monde. Bédoué s'est engagé pour 3 ans, jusqu'en 2020. C'est officiel, d'accord, ok. Il aura quel âge? Bah, il a 63 ans là. Donc tu calcules plus 3, 66. Plus 3, 66. Bon, pourquoi pas. Ça va, un passionné. Pourquoi pas. Pierrot Labatte, Pierrot Labatte, c'était pas tout jeune. Par contre, s'il reste, ça veut dire qu'il s'entend bien avec Kevin Planté. Avec, Kevin Planté. Non. Avec le staff. Parce que moi, les retours que j'avais eus, c'est que si ça avait été Sagnol, je suis pas sûr qu'il aurait prolongé. Oui. Il vaut mieux de façon mieux s'entendre. Et après. Alors, en parlant de staff, on va parler d'un garçon qui, lui, n'est pas conservé, c'est Franck Manteau. Franck Manteau qui était l'entraîneur des gardiens. Voilà, qui était l'entraîneur des gardiens depuis 7-8 ans, je crois, 2009. De Dropsy. Depuis la maladie de Dropsy. Depuis que Dropsy était malade, il l'a remplacé avant son décès. Il n'est pas donc conservé à sa place. Il y a des rumeurs qui disent que ça sera l'entraîneur des jeunes. J'ai oublié, j'ai mangé son Chauvin. Je ne le connais pas non plus, donc on ne va pas juger de son travail. Franck Chauvin. Il va falloir quelqu'un chez les jeunes après. Hein. Qui est au centre de formation. Oui, et puis ça va être les chaises musicales, tu vois ce que je veux dire. C'est chacun qui. Voilà. Ouais. Bon, moi je comprends pas. Alors, on va pas toujours pareil, on va pas re-rentrer encore dans l'histoire Carache, Chaumazin, tout ça. D'où mais le fait que Gaëtan Poussin soit si ce mec là faisait bien son travail, pourquoi on le dégage? Mais bon, après. Mais t'as répondu à la question. Ouais, mais si, comme on disait lundi dernier, il me semble, s'il y a toujours des histoires avec Trier et Bernard Denis, peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas gardé. Quoi. Peut-être aussi. Ça peut. C'est des questions d'ego. Ouais, mais c'est toujours regrettable, quoi, parce que bon. Mets-toi à la place de Bernard Denis. Le mec, attends, il est titulaire à 3, il vient aux Girondins. Bon, ok, il accepte d'avoir 6 mois de galère. Je ne suis pas bientôt, mais allez-y. Le problème Bernard Denis, c'est pas Franck Manteau. Je vois pas. Le problème Bernard Denis, c'est Ulrich Ramé. Et Sagnol. Non plus. C'est Sagnol. Non. Ah si. Non, bah non, Sagnol, il le prend parce qu'il le veut. Non, oui, voilà, Sagnol, il le prend parce qu'il veut. Parce qu'il veut pas de prix. Sauf que quand Ramé arrive à Bordeaux, il le veut pas. Ça, c'est autre chose. On n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est un problème, de toute façon. Mais comme tu dis, c'est un problème d'ego. Je pense que l'histoire sur laquelle tu fais référence, il y a une rumeur qui est sortie à une époque qui consiste à dire que il y avait un problème entre les gardiens et Manteau par rapport à la charge de travail, que c'était les entraînements qui étaient calés sur Carasso. J'en sais rien, mais Carasso est pas prolongé et ça se fait dans un climat détestable. Et Manteau est non plus gardé. On saura jamais pourquoi. Après, si Franck Manteau veut bien nous le dire. On peut le dire aux auditeurs, on va essayer de le contacter. On va essayer de le contacter parce que déjà. Il était venu plusieurs fois dans cette émission, c'était par, toujours. Voilà, par respect, parce qu'on s'est toujours très bien entretenu avec lui, parce que quand il est venu, il n'y a jamais eu aucun problème. C'est vrai, il venait souvent. Donc, ne serait-ce que par respect de pouvoir lui dire au revoir, parce que, on va dire. Que j'ai pu lui dire au revoir parce qu'il y a eu Beckham avec Alain Bénédé, quelque chose de particulier. Un mec hyper sympa en plus. On le fera, il aura sûrement peut-être pas envie d'en parler et on le forcera pas à en parler parce qu'on n'est pas à la recherche du buzz ni de l'info, etc. Mais ne serait-ce que même s'il vient que 5 minutes, juste pour qu'on puisse lui dire au revoir, nous officiellement par rapport aux interviews, au temps qu'il nous a accordé. On le fera avec plaisir, voilà. Donc peut-être que prochainement on l'aura. On va lui demander. Ouais, après, c'est pas sûr qu'il accepte. Voilà, je pense que dans le climat actuel, il y a quand même peu de chances que ça se fasse. Mais au moins lui dire au revoir. Et puis si jamais il accepte pas, au moins on lui dira nous au revoir. Et voilà. Alors niveau communiqué, on est encore plus court que celui pour Carasso. C'est le club qui met Franck Manteau quitte le club. Il laissera l'image d'un grand professionnel. Merci Franck. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mots. Il y a pas grand chose à dire en fait sur les entraîneurs. Oui, c'est vrai que sur les entraîneurs, c'est un peu embêtant. En général, quand tu t'en vas avec tes entraîneurs, c'est que. Johan, toi, sur Manteau, rapidement. Moi, Manteau, c'était l'entraîneur des gardiens et tout ça. C'est un mec qui a toujours été professionnel, etc. Donc, Mais moi, j'avais entendu une rumeur comme quoi Costil viendrait avec son entraîneur des gardiens. Cette rumeur et peu de temps après, le mec a re-signé 2 ou 3 ans à Rennes, je crois. C'était pour faire monter les enchères, tout à l'heure. Peut-être bien, oui. Peut-être bien. Après, Manteau, qu'il fasse une bonne carrière, qu'il trouve un autre gardien ou qu'il continue avec Carasso. Et puis, merci pour ça. Merci pour ce moment. On va passer maintenant à un joueur qui va sûrement être prolongé 2 ans de plus. Et ça, pour le coup, je m'y attendais pas et ça me fait plutôt plaisir. C'est Théo Pelnard. Théo Pelnard, oui, Johan. Surprise du chapeau, alors, parce que bon, le mec il joue, après il joue plus. C'est ça. Et puis bah voilà, néant. Bon, après on a prolongé Pungé, il joue plus. Alors moi personnellement, je suis quand même assez content de cette nouvelle. Après, est-ce que ça veut pas dire que le défenseur central il est là? Pelnard, il a 23 ans. Il a 23 ans, il a joué, je vais vous le dire, 13 matchs en 2013, 21 matchs en 2000 avec le Paris FC. Ouais, en gros, il a à peine une trentaine de matchs dans sa carrière. Cette année, il en a joué que 5 ou 6, je crois, parce qu'il est nommé dans les... J'avais fait le truc, il est nommé dans les GA Awards. Ouais, c'est bien. Il en a joué que 5 ou 6. Aucun arrière-gauche, je crois. Si je dis pas si, si. Si, non, justement. Ah, si, si. Mais... Mais justement, quand il a joué, ça a bien tenu. Mais alors, moi, on a eu souvent le débat, pourquoi récemment, l'arrière-gauche, c'était Sabali, l'arrière-gauche, c'était Gaïc. Si t'as il y a un petit problème. Hein. Bah ouais, c'est quoi le problème avec moi, la question que je me pose, c'est que... Bah c'est ça, Johan, pourquoi le prolonger? Ah, sauf si tu veux pas... C'est que... Sauf si tu veux en faire un défenseur central. J'ai entendu parler d'une rumeur d'un Brésilien, ça serait plutôt un latéral gauche. Je suis d'accord avec toi. C'est ça le Brésilien. De quoi? Il me semble que c'est 20 millions d'euros le Brésilien. Donc voilà, donc ça tu oublies. Enfin bref. Non mais Pungé, faut à un moment donné, Pungé, terminé. Stop. Je sais pas pourquoi on l'a prolongé 2 ans, ce garçon. Stop, fini. Merci beaucoup. On l'a prolongé. La sortie, elle est là-bas. On l'a prolongé pour le ciao. C'est pote à Jean-Louis, donc bon, fallait le garder. Ouais, non, mais c'est, au bout d'un moment, non, c'est bon, le social, ça va 5 minutes, quoi. Ouais, oui, mais on l'a prolongé pour le vendre. Pour le vendre à qui? Il a joué 7 matchs cette année, Pungé. Il a des intérêts. Nommé au contre-plot, mon gars. Il a des intérêts du côté de. Oui, de tu vas voir, on a une rubrique qui s'appelle le contre-plot. On va vous expliquer plus tard dans l'émission. On va régaler, alors. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le mec a joué 7 matchs et tu le prolonges 2 ans pour en faire quoi? Et pour le revendre. J'explique que c'est pour le revendre, on l'a fait jouer quelques fois, voilà. Pungé, à part Sunderland. Tu me diras s'il y a un pigeon anglais qui vient. T'as trouvé le bon club. Voilà, s'il y a un pigeon anglais qui vient, on va pas se défausser. Si les dirigeants de Sunderland nous écoutent. Non, non, mais voilà, sur la prolongation de Pelnard. Ils ont mis un prix Casery pour 10 ou 12 millions. Donc Marc, on est d'accord que. J'espère quand même que Gourvenec approuve ce choix. Marc, quand t'auras fini de jouer à Candy Crush. Je joue pas à Candy Crush. Il se regarde la pêche. Ah, regarde la pêche. Non plus. Non, je réponds à Florian. J'ai envie de te dire, oui, j'espère. Non, même pas. Non, j'ai envie de te dire qu'il puisse donner son avis, ouais, mais un entraîneur, c'est pas fait pour s'inscrire dans. Et comment? C'est lui qui fait son effectif, faut. Laisse-moi finir. Ah bah. Tu as un directeur sportif dont le but du directeur sportif est de définir la ligne sportive. Quand il s'agit de Gene Connery, il nous dit « Ah, je veux absolument Pungé. Je veux vous prolonger Pungé. » On met un contrat de 4 ans à Pungé, d'accord? Sur la tranche de Pungé. À la fin de l'année, Gourvenec, il est dégagé. T'en fais quoi de Pungé? Ça, c'est ce qui arrive constamment. Quand on prend Thomas Touré pendant 5 ans... C'est pour ça que l'avis de l'entraîneur doit être pris en compte dans sa globalité, mais le mercato ne doit pas être fait par, et les contrats ne doivent pas être faits par les agents. Ça évite les contrats de 5 ans billion faits par Blanc, le contrat Jussier 5 ans fait par Blanc, les modestes de Tigana, les Mazou de Tigana, les Ben Ferreira, parce que le problème c'est quand l'entraîneur change. Mais qui les Ben? Les Ben Kalfala. quand l'entraîneur change, quand l'entraîneur change, le problème c'est que tu te retrouves dans un truc où l'entraîneur qui va suivre derrière et veut peut-être pas ces joueurs-là parce qu'il veut jouer autrement. C'est à ton directeur sportif et ton président de définir une ligne sportive. Après, l'entraîneur doit être choisi pour pouvoir être là-dedans et après, l'ensemble doit rouler. Bien sûr, c'est un consensus. S'il te dit « Je veux absolument pas de Pungé, Pelnard et Contento », tu lui dis à Gourvenec « Écoute, t'es bien gentil, on va peut-être en changer deux, mais on va en garder un. » Donc, tu me dis lequel on prolonge. Tape pas parce que ça fait du bruit. Voilà, donc c'est ce genre de choses où tu peux aussi ne pas forcément aller dans le sens de ton entraîneur. L'entraîneur, Gourvenec, d'après les rumeurs, voulait un attaquant et un milieu au mercato d'été. Mais la présidence a dit, écoute, le milieu, ok, non, on l'attaque en non parce qu'il faut un défenseur. Et on s'aperçoit sur la fin de saison qu'il fallait un défenseur. Et parce que des attaquants, t'en as 5 aussi. Voilà, mais qu'il fallait un défenseur. Okay. Mais dans, la, dans l'esprit de Gourvenec, sur le moment, c'était pas ça qui l'a empêché de voir devant. Parce que lui, il disait, j'ai toujours des façons de combler derrière, mais devant, il me manque par exemple un profil. Mais là, tu lui dis, ouais, mais le problème, c'est que si t'arrives 2-3 catastrophes, donc c'est à toi de gérer ça. Et après, bah, t'essayes de faire plaisir à l'entraîneur, mais dans tous les choix, tu ne peux pas avoir 100% plaisir, donc ça doit être aussi, ça doit être un échange, ça doit être un consensus. Tu peux pas faire tout ce que tu veux, il faut que l'ensemble aille bien. Il y a, et le directeur sportif peut pas choisir le joueur qu'il veut, il y a du financier, il y a tout ça qui rentre en compte. Et comme tu l'as dit, Pungé était prolongé sous l'air trio, hein. C'est vrai. J'ai complètement oublié de vous donner tout à l'heure la réaction de Jocelyn Gourvenec à son prolongation de contrat. Vous trouverez la brève sur G33. Oui. On va passer, parce qu'il est déjà mine de rien moins le quart, sur les deux derniers cas entre guillemets, et là pour le coup c'est pas des bonnes nouvelles. On va commencer par le plus ancien, c'est-à-dire Abdou Traoré, qui lui, donc pour le coup, c'est merci, au revoir. Alors, c'est pas réellement une surprise parce que c'était annoncé depuis très longtemps. Je crois que ça fait 3-4 mois qu'on sait que Abdou Traoré sera même pas. Depuis le début de saison. Oui, voilà, enfin, ça fait longtemps que ça avait été annoncé. C'est quand même un garçon qui a passé 11 ans au club, qui est champion de France 2009, enfin, qui a fait partie de l'époque Gourcuff, Chamac, Patin Couffin. Qui était Sartique, même si tu veux pas qui dire. Était beaucoup d'espoir placé en lui quand même. Je me souviens de l'époque de Blanc. Alors à sa décharge, il a quand même eu comme Jussier, une grave maladie. Enfin, il a quand même eu une maladie genre le typhus ou je sais pas quoi, non, un truc non, comme non, peu... non, non, non, oui, il a oui, eu maladie. Ou... Enfin, selon les rumeurs, c'est que c'est un peu bidon. Mais ouais. Oui, c'est son hygiène de vie qui a fait que. Non, mais Marc, oui, il a. Il m'avait fait rire en conférence de presse. Il avait dit. J'ai appris qu'il fallait que j'arrête les plats maliens avec de la sauce. Mais j'ai rigolé. J'ai il a dit quand ça ? Parce qu'on cherche encore peut-être une rubrique pour. Il y a 3-4 ans. Il y a un an. Il a dit un ou deux. Il a dit les sauces. Quand j'ai entendu ça, mais j'ai rigolé. Faut que j'arrête les plats en sauce. Ouais. Alors il a été prêté à l'OGC Nice, Abdou Traoré, en 2010. On a tendance à l'oublier. Ah bon ? Eh oui. Il a joué à l'OGC Nice en 2010-2011. Attends, on se souvient même plus quand il a joué. Ah bah je t'avoue que. C'était sous l'air Tigana ça, oulala. Ouais. Attention, on a manqué un grand milieu de terrain. Il avait 8 ans quand il arrive au club. Bah oui, non, mais c'est ça, parce que Abdou Traoré est pas vieux, il a que 29 ans. Donc il est arrivé au club, mais il en avait 18. Je me rappelle d'un article dans France Football. J'ai revu ça il y a pas très longtemps. On l'appelait, il y avait le Barça dessus, il l'appelait le Zizou Malien. Quand j'ai vu ça, c'était sa carrière, c'était quand même. Non, mais l'année prochaine, il ira le stade bordelais CFA, puis c'est tout. C'était l'ambianceur de service, l'ambianceur du club, etc. Il avait un petit contrat au nombre de matchs. Gourvenec lui a fait plaisir 2-3 fois. Et puis voilà, quoi, il était gentil. Il cassait pas trop les pieds dans le vestiaire. Donc bon, voilà. T'imagines. Mine de rien, il a son petit palmarès quand même, Abdou Traoré. Hein. Champion de France, deux coupes de, une coupe de la Ligue, une coupe de France, deux trophées des champions. Propre. C'est pour un mec qui joue pas. Pour un mec qui joue pas beaucoup. Alors je vais vous donner son total de matchs. Il a joué en tout et pour tout. Avec Nice aussi, hein, si je compte les 23 matchs qu'il a joué avec Nice. Oui, il a joué plus de 100 matchs. Il a joué 114 matchs dans sa carrière. Rien qu'en championnat. Donc en tout 153 matchs pour 4 buts. Bon, en même temps, c'était pas un buteur, Abdou Traoré. Mais il a joué 153 matchs. C'est une scène que j'ai revue, ça m'a rappelé des souvenirs et tout ça. Enfin, la petite brève. Moins 23 parce qu'il a joué 23 matchs avec Nice, moins 28, vous faites 153 moins 28 et ça fait 120 matchs avec Abdou Traoré. 123. Ça fait une douzaine par an. Alors c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessures, beaucoup de. Voilà, c'est quand même. Mais c'est un joueur voilà, qui, la plupart du temps, faut pas. Il était pas mauvais, quoi. Je veux dire, il faisait son taf. Voilà. Non, il était transparent, quoi. Mais non, moi justement, c'est ça que je. Ah non, il était transparent. Il faisait le taf, il jouait 15 minutes, il faisait le taf 15 minutes. Alors c'est pas beaucoup, hein, effectivement. J'ai l'impression que quand il courait, il donnait pas envie. Je sais pas, non mais je te jure, il courait. Ah oui, le palu, voilà, j'ai dit le typhus, c'est le palu qui voilà, repart, raison, c'est le paludisme. Mais c'est pas grave, enfin si tu te soignes, oui, c'est pas grave, enfin faut se soigner. 21h50, ça va nous laisser 5 minutes pour parler du dernier joueur qui quitte les Girondins de Bordeaux, qui n'est pas prolongé. Et là, je pense que je vais un petit peu plus m'énerver que pour Abdou Traoré. C'est Nicolas Maurice-Belet. Alors, Nicolas Maurice-Belet, qui a passé 6 années, 6 ou 7 ans, 7 ans aux Girondins de Bordeaux. Il est arrivé en 2011 avec Jean-Louis. Il est arrivé avec Francis Gilot la première saison. C'est la recrue de Gilot. Il arrive en 2009-2011. Avec Gilot. 2010-2011. Ouais, 2010-2011, pardon. Bon, alors cette année, évidemment, il joue pas un seul match et voilà, puisque ses stats sont vierges vu qu'il était, il a été blessé une grande partie de la saison. C'est quand même un joueur, moi je trouve. On parle beaucoup, on nous fait chier là beaucoup. Ouais, Carrasco, Patin, Couffin. Mais c'est quand même un joueur l'année dernière comme Jussier. Jussier est parti comme un voleur après 10 ans passés au club. Maurice Bellet, alors effectivement Maurice Bellet, c'est pas Neymar et c'est pas on est d'accord hein, c'est pas Gareth Bale, Maurice Bellet, mais Maurice Bellet c'est quand même un mec irréprochable. En 6 ans, on l'a pas entendu une seule fois parler de lui. Il y en a qui sont là depuis un an ou deux, on a déjà entendu parler 4-5 fois d'eux. Thomas a suivi mon regard. Non mais tu vois de qui je parle. Même de ceux qui sont partis, on n'a jamais entendu parler de ce garçon en dehors du terrain. Jamais un problème, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais rien. Le gars, il se blessait, il revenait, il faisait son truc, tac tac. Alors, il n'était pas toujours très bon. Faut quand même pas oublier que Maurice Bellet, il tombe dans la période de Bordeaux où Bordeaux est moyen, voire nul. Enfin bon, c'est quand même un des mecs qui sort le plus niveau offensif. Mais oui, c'est ça. C'est un des gars qui a le plus tenu l'attaque avec Jussier à l'époque. Cabato aussi. Il faisait son boulot, Maurice Bellet. J'en reviens toujours à cette fameuse vidéo. Tiens, tu réponds, Thomas, et tu dis que pour l'instant, on peut prendre personne et qu'il faudra rappeler après. Merci. Après la pause, ouais. Dis qu'il rappelle après la pause. J'en reviens toujours à cette fameuse vidéo de 5 minutes sur YouTube où c'est une compilation, et encore une compilation qui est faite que sur 3 ou 4 ans, je crois, de galettes que distribue Maurice Bellet. Sauf que ben devant, ça tape à côté, ça tape sur le gardien, ça tape sur le poteau, ça rate le ballon. C'est-à-dire, potentiellement, s'il avait eu un vrai attaquant devant qui claque, ben après la pause. S'il avait eu devant un attaquant qui claque, mais il faisait des saisons à 10, 12, 15 passes. Bon, ben, sauf que manque de peau, il a après, pas eu ça. Après, moi, Maurice Bellet, j'ai... Grâce à Sagnol et Gilot, on a beaucoup entendu parler de lui. Moi, j'adorais parce que c'est un mec qui débordait beaucoup, mais malheureusement, c'était pas trop efficace. Mais il amenait de la percussion. Moi, et en plus, avec Sagnol, je crois, pendant un temps, même s'il a beaucoup aimé faire ça, il jouait latéral gauche, c'était pas si nul que ça. Donc voilà, c'est un mec, dès qu'on faisait appel à lui, il était là. Et c'est un mec que je regretterais dans l'envie et dans l'exemplarité. Voilà, je rejoins Seb là-dessus, l'exemplarité de ce mec. Et même au début, quand il est arrivé sous Gilot, il faisait des performances assez qui étaient convenables, donc c'était très bien. Et c'est son dernier but était l'an dernier en Coupe d'Europe, où, il y a deux ans, mais personne ne s'en souvient. Mais voilà, hein, quoi, c'était un truc important. Maurice Bellet, je pense que j'espère pour lui qu'il retrouvera un club sympathique en Ligue 2. Et il s'ennuiera pas trop. Alors, Cyprien me précise une chose, il a raison, je sais pas si on l'a précisé. Attention, Théo Pelnard n'a pas encore prolongé. Il y a une proposition qui lui a été faite. Voilà. Mais je pense que c'est voilà. Bordeaux devrait transmettre une proposition, mais bon, il n'y a pas de raison que. C'est dans l'optique de soit tu vires tes deux latéraux, ou soit tu vires un défenseur central. Voilà. Enfin, si Bordeaux lui fait la proposition, c'est qu'ils n'ont pas vraiment l'intérêt à le dégager. Bref, Johan, ouais, sur Maurice Bellet. Sur Maurice Bellet, bah alors moi c'est un joueur, bah il était bon quoi, c'est un mec qui se donnait sur le terrain. Après vraiment son problème c'était quand même l'efficacité. Je me rappelle du match contre lui, il met un doublé, mais je crois que derrière il met deux buts dans la saison. C'est pas un grand buteur hein, Maurice Bellet, c'est et un très bon passeur. Mais c'était un ailier gauche et franchement à des moments tu vois, j'avais l'impression qu'il tentait pas assez, etc. Ouais. Après c'était un mec franchement. Il n'y avait pas de problème dans la vie de groupe, etc., professionnel, etc. Une fois en 6 ans, il s'engueule avec Roland sur un banc de touche, mais sur le coup, dans un match, oui, sur un coup d'énervement, je veux dire ça, voilà. Ça, c'est trop fort, rien. Mais franchement, c'est pas un mec que je vais regretter, voilà, quoi, mais c'est... Parce qu'il a pas joué de la saison, ça faisait 2 ans, on va dire, il a peu joué. Mais pourquoi on l'a pas vu sur ces derniers matchs? Il était opérationnel. Moi, je regrette qu'on l'ait pas vu un petit peu contre Nantes, un petit peu à Lorient. Tu vois qu'à Lorient, t'es nul. Tu vois ce que je veux dire? J'avais dit que j'aurais fait rentrer Maurice Bellet à la place de Plasil. Mais bon, après, c'est le choix du coach. Mais Maurice Bellet, c'est pas non plus un joueur qui va me manquer de fou. Quoi. Enfin, c'est un bon joueur, mais c'est pas... Son départ, bon, bah, il part. Bon, bah, c'est bien. Bonne continuation à lui, mais je suis pas... Il aura pas marqué l'histoire du club. Voilà, je vais pas pleurer parce qu'il est parti, quoi. C'est pas comme certains joueurs. Pour finir, Marc, avant de passer à la pause, si t'as quelque chose à dire ou pas, si t'as fini de garder la pêche. Non, mais c'est pas ce que je fais. Je depuis tout à l'heure, je suis avec. Oui, Florian, oui, oui. Ouais, c'est ça. Je peux pas aller. Bref. Non, pour la simple et bonne raison que. Merci, c'est la pause. Que non, non, c'était, c'était le meilleur crochet gauche. Mais le problème, c'est que tous les joueurs qui sont passés de Gillot à Sagnol. Les entraîneurs. Bah, et... De quoi ? Les entraîneurs. Les joueurs. Non, tous les joueurs qui sont passés sur cette période-là, de ah. Tigana, Gillot, Sagnol. Il n'y en a aucun qui t'aura laissé de bons souvenirs puisqu'il ne s'est rien passé de bien. Le seul qui t'a peut-être laissé un bon souvenir, c'est Cheikh Diabaté. Ouais, parce Diabaté, que... il y a eu quand même... Mariano. Oh, Mariano. Mariano, il était pas mal quand même. Ouais, mais il était pas mal. J'allais dire Obraniak aussi. Mais les mecs. Mariano, il était pas mal pour la simple et bonne raison qu'il était très bon. Mais c'est tout, vous en souviendrez pas plus que ça. Vous en souviendrez... Parce qu'il pas... a fait seulement deux saisons. Mais oui, mais, et parce que sur cette période, on a juste gagné une Coupe de France et qu'on n'a pas fait de super résultats. C'est un fait. Donc Maurice Bellet, malheureusement, oui, c'est comme il s'est inscrit CV, sur une longue durée sur laquelle on n'a pas eu de bons résultats. Donc on n'en gardera pas les bons. C'est ça qui est dommage. Maurice Bellet, c'est pour ça, Maurice Bellet, tu le verrais dans l'équipe. Tu verrais dans l'équipe aujourd'hui, Maurice Bellet. Alors c'est vrai qu'il a eu pas mal de points qui l'ont grandement contrarié. Handicapé. Mais enfin voilà, ouais, c'est un peu dommage quand même. Après voilà, moi je trouve ça logique de la part de la direction. J'avais été voir quelques matchs en CFA et Maurice Bellet, voilà, tu vois qu'il a perdu son coup de rein, il a plus forcément les mêmes accélérations qu'avant. Et voilà, vu sa blessure, on sait que c'est très très difficile de revenir sur les terrains. Et je pense que Gourvennec ne voulait pas l'adapter au même système que faisait Sagnol à l'époque, c'est-à-dire l'utiliser en tant que milieu relayeur. Il l'utilisait plutôt comme un attaquant. D'ailleurs, tu peux le voir quand il annonçait le groupe à chaque fois. Maurice Bellet était, faisait partie des attaquants. Donc voilà, simplement, il a fait le tri et il a décidé de ne pas le prolonger au vu de ses blessures. Ça fait un gros salaire en moins dans le club. Quoi. Exactement. Comme Carasso. Messieurs, voilà. 21h57, c'est l'heure de faire la pause. Juste avant de se quitter, alors une info qui ne concerne pas les Girondins de Bordeaux, mais qui pourrait avoir son importance, qui pourrait faire du bruit, je pense, au niveau transfert. Antoine Griezmann se dit proche d'un transfert à Manchester United. Il évalue ses chances à 6 sur 10. Bon. Juste un tout petit mot, on a oublié de parler d'un joueur qui a peut-être partir, c'est Younes Kabouni. Mais je te rassure, Johan, il est nommé dans une catégorie des GA Awards, tu pourras voter pour lui. Ah oui, non, parce que lui, nous, on n'oublie personne, nous. Nous, on n'oublie personne, pas même Kevin Sonny. On l'a pas oublié non plus. Il est en club, Kevin Sonny. Ah, mais vous allez voir, les GA Awards, on a ratissé. Tout le monde, vous personne n'y échappe. Vous voulez qu'on suicide ou quoi là? Non, non, personne n'y échappe. si, à part évidemment Malcolm, t'en as oublié un aussi. Laborde, voilà, mais. Bolin. Qui? Bolin. Bon, ben, Molin. Non, Molin, il était pas. Molin, il n'était pas sous contrat. Ah, cette année, il était, mais non, non, il n'était pas sous contrat pro. Molin, on a pris, nous, que les joueurs de l'effectif professionnel. C'est-à-dire que Romy, on l'a pas pris. Youssouf Zaïa. Il a quand même joué avec. Enfin, Youssouf, oublié, oui, mais on les a pas comptés. C'est des jeunes, ils sont CFA, ils sont montés. Enfin, on a pris que les contrats pro. Bon, allez, quand même, on va être un minimum honnête. Bien, Johan, on va se quitter là-dessus parce que c'est la pause. On va te remercier beaucoup de nous avoir d'avoir passé cette première heure avec nous. Pas de soucis. Et puis écoute, bah tu rappelles quand tu veux, y a pas de problème. D'accord, bah peut-être la prochaine fois alors. Merci beaucoup, Johan. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Messieurs, on va faire la pause. Vous pouvez nous appeler. Thibaut va nous appeler après la pause. Ah bah c'est ça, c'est lui. Alors peut-être que t'as eu de Thomas au téléphone et que tu sais pas qui c'est. C'était Thibaut. Vous voulez parler de Maurice Bellet? Non. Ah bah il y a quelqu'un qui nous appelle. Appelez, décrochez. On fait la pause. Allez. Allez, on fait la pause. Sur RG à Bordeaux, décroche. 90.7 FM, RGFM.fr.